Les paroles sincères ne sont pas élégantes. Les paroles élégantes ne sont pas sincères. L'homme vertueux n'est pas disserte. Celui qui est disserte n'est pas vertueux. Celui qui connaît le Tao n'est pas savant. Celui qui est savant ne le connaît pas. Le saint n'accumule pas les richesses. Plus il emploie sa vertu dans l'intérêt des hommes, et plus elle augmente. Plus il donne aux hommes, et plus il s'enrichit. Telle est la voie du ciel, qu'il est utile aux êtres et ne leur nuit point. Telle est la voie du saint, qu'il agit et ne dispute point.